bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. Tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. C'est comme que tu veux.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Sabia que era só uma ilusão, os momentos de prazer e nada mais. Um romance tão fugaz quanto a paixão, que se esquece sem sequer deixar sinais. Não foi assim, eu me perdi. Esse pacto entre nós, quero quebrar por amor. E que eu sei, tens alguém, coisa que eu não quis saber. E hoje acordei a dizer: não te vás sem mim. Quero mais de ti. Não te vás sem mim. Quero mais de ti. Quero ser o teu horizonte, o sol de cada noite. Depois ser o teu mundo. Depois de um só desejo, dar-te um beijo para sempre. Eu sabia que entre nós ia acabar. Era um caso como tantos sem depois. Um caminho sem destino, sem lugar. Uma história sem saudades de quem foi. Mas mesmo assim, eu me perdi. Meu coração traiu. A voz do amor, de ti eu sei, já tens alguém, coisa que eu não quis saber, e hoje acordei a dizer, não te vás sem mim. Amor. esqueço por um só dia. Minha terra que eu amo de verdade. Eu vou reviver momentos de criança. Eu vou renascer, ter uma nova esperança. Só quero voltar à aldeia que eu nasci. Olha, Roncel, bienvenue dans la radio. Si vous venez d'arriver, 16h36 et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui en direct à la radio après des semaines et des semaines d'absence. Et ouais, puis vous êtes là et vous êtes nombreux et fidèles en direct sur Facebook, le live sur Francky. Vous tapez Francky Radio Arc-en-Ciel sur le Facebook et puis le remix de Francky, bah ouais, que vous avez entendu pendant tout le confinement. Voici David et Jonathan remixé par Francky Radio Arc-en-Ciel. Et puis on aura des invités tout à l'heure. Sonia Alves qui sera notre première invitée, vice-présidente de l'UMI 45, elle sera avec nous. Voici les bons souvenirs vacances avec David et Jonathan, la reprise de Francky, c'est est-ce que tu viens pour les vacances en direct à la radio. Salut la famille. C'est bon ça, le meilleur des souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver après tant d'absence. La météo qui arrive pour demain le 26 mai, mais quel temps va-t-il faire? Et bien on a la réponse. La météo. La météo pour demain, le 26 mai, ça passe, et ça passe, et vivement aussi que cette pandémie trépasse, comme on dit. Eh bien, demain, j'ai la bonne nouvelle, et même pour toute la semaine, il y aura du soleil toute la semaine, ça c'est la très très bonne nouvelle, et le soleil sera encore là demain, toute la journée. Demain matin, au lever du jour, les températures sont plutôt pas mal, 11 degrés, c'est bien pour le réveil quand même, hein. Et on va monter jusqu'à 25, et promis, il y a du soleil jusqu'à dimanche. Normalement, si Météo France ne se trompe pas, du soleil jusqu'à dimanche. Et du son caliente qui arrive avec Luque Passo, Passo sur la console. On vous souhaite une très très bonne après-midi. On est en direct à la radio. L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah ouais, 96.2 FM, mais loqué, passo, passo, ça arrive, le son caliente sur votre radio couleur. En direct, salut Gérard, qui nous regarde, salut JM, salut Daniel, vous êtes en direct à la radio 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous appeler. Le son latina avec Loque Passo, Passo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est 16h44, on vous l'a dit, hein. Vers 17h, elle sera notre invitée, je vous en parle tout de suite à la radio, c'est direct sur la France. After Job avec Francky, l'après-midi. L'après-midi jusqu'à 18h30 en direct. À 17h, elle sera au téléphone avec nous. C'est Sonia Alves, la vice-présidente de l'UMI 45, qui va nous parler justement du déconfinement, qui va nous parler aussi des gens qui sont pas encore ouverts, qui vont pas encore ouvrir tout de suite, notamment les bowling. Je pense aux discothèques, aux bars de nuit. Voilà, on en parlera avec elle au téléphone. Et puis on en parlera plus concrètement aussi avec Richard Ramos, qui est député de la 6e circonscription du Loiret. Il sera aussi aux alentours de 18h avec nous au téléphone pour débattre un petit peu du sujet justement. Du monde de la nuit, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire, où on va. Salut Manu qui est connecté, salut Elias, on est en direct à la radio. Et c'est Luso Caliente qui arrive avec mon poteau. Bah oui, quel bon souvenir ça. Et ça fait forcément rappeler quelques bons souvenirs. Voici G. Rodriguez sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une très très bonne après-midi sous le soleil de la radio parce que le soleil va briller toute la journée. Hey G. Rodriguez, y'a pas Latina Caliente. Siempre.

Merci à vous de suivre le live sur Facebook. Hein. Vous pouvez vous connecter dans la voiture aussi hein, sur le lien radioarc-en-ciel.fr, pourquoi pas, sur le portable. Eh ben ouais, en direct. Vous tapez sur Google hein, Radio Arc-en-Ciel Orléans, et puis ça y est, le player qui se met automatiquement en marche. On est heureux de vous retrouver. Dans moins de 8 minutes, elle sera en direct avec nous au téléphone. C'est la vice-présidente de l'UMI 45, Sonia Alves, sera avec nous au hôtel pour débattre justement du milieu de la nuit. Bah, comment que ça se passe, la réouverture, il n'y en aura peut-il pas. Eh ben ça va être dans 3 minutes à peu près. Oh, Karine. Oh Karine, va. Oh, ça va et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, tu vas faire un petit tour en voiture ou quoi? Non, j'ai des trucs à faire. J'ai des trucs à faire, j'ai vu comme tu as des trucs à faire. À faire, dis-toi, toi. Allez, viens, arrête de marcher à pied, viens tester mes nouveaux sièges. Oh, allez, ouais. Je connais du monde ici, tu veux me faire remarquer ou quoi? Je sais, bah, les mots dans ma caisse, bébé, après on voit. Dis-moi. Grimpe dans mon taxi, système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Et ça, ici là, elle assise là, mets-moi dans les Mia, défend les Karine quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'pourrais tourner en ville, des heures pour elle, volant de ma Benz, Merco flambé, mais elle se fout tout ça, qui que ce soit, elle aime pas ça. Vas-y, ouvre la porte, monte, dis-moi où on va. Nulle part, si tu continues à flamber ainsi. Minute, j'dis un truc que t'as peut-être mal saisi, t'es pas d'ici. Non. Tu sais, chez toi, j'sais pas comment c'est, mais ici, on est plein de magnétiques, comment j'fais? Tu veux que j'lève mes lunettes, que j'mette plus le coude dehors, que j'arrête de râler, pousse le son moins fort si j'fais l'effort. J'ai pas de garantie pour autant, au volant à fond de cinquième, j'suis dans mon cinquième élément. Tu me plais. Je sais, mais allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. L'aventure est si belle. Se balader dans la rue, dans ta voiture, oublier de me donner des ailes. Mais tu sais, ton délire causera tôt ou tard des torts. Et il me faudra partir. Oublier le temps du roule, les mécaniques, ton moteur me saoule. Si je dois supporter tes manières. Tiens, peu de temps, grimpe, allez, ah. Si tu te la pètes trop, je préfère le tu métro. Me plais. Ah c'était bon ça, le Def, hein. Def Bond comme on l'appelle au quartier. Tu me plais, la bande originale de Taxi Red avec vous, c'est Maëva qui arrive au téléphone avec vous, c'est la famille, eh ouais, on est là. After Job avec Francky l'après-midi. Normalement elle est là au téléphone, salut Maëva. Salut Francky. Ah bah ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Comment tu vas bien? T'es sur... Ouais, t'es sur le live Facebook en même temps. Maëva, tu fais quoi dans la vie, Maëva? Alors je suis escorte et je pose pour un photographe. Ah bien, c'est un beau métier ça. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement en ce moment de poser pour des photographes? Est-ce qu'il y a une pénurie? Est-ce que c'est ça a été plus compliqué pour toi le confinement et après le déconfinement? Explique-nous un petit peu. Le confinement, est-ce que c'était compliqué déjà? Oui, ça a été très compliqué parce que j'ai pas pu travailler. Ouais. Pendant 2 mois, j'ai été confinée. Ouais. Donc c'était très très compliqué parce que moi qui adore ça, qui a l'habitude, tout ça, donc c'était pas facile. Pas facile pour vous, c'est sûr, pour tout le monde, pour beaucoup de gens aussi, hein, sur toute la planète. Donc après le déconfinement, le 11 mai est revenu, mais bon, pour toi, un peu comme les clubs, comme les bars de nuit, etc. Bloqué toujours, non? Ouais. Non, bah là j'ai repris, donc le ouais. Masque, le gel. Ça va, t'arrives à trouver des photographes qui arrivent à prendre de belles photos et puis à travailler surtout, parce que même les photographes, j'en connais beaucoup qui sont encore au chômage partiel malheureusement. Ouais, c'est facile aujourd'hui. Alors je vois toujours mon photographe qui est revenu. Ouais. Bah, y a autant de personnes, donc après c'est question de sécurité, de mettre le masque, tout ça. Ouais, c'est important. De respecter les gestes barrières, hein, les 1 mètre, le masque, le gel, etc., de se protéger. Voilà. Ouais. Surtout laver. Pour toi, le déconfinement à l'heure d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, par rapport au mois de mars, par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a de l'évolution? Est-ce que tu penses que le Covid commence à partir ou alors non? Il est encore là, il y a encore des gens qui sont hospitalisés, des gens qui sont dans la demande aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'il y aura une deuxième vague. Ouais. Ah ouais, carrément. Je pense que, ouais, réellement, ça va s'arrêter en 2021, je pense. Ah d'accord. Ah bah c'est bien. Bah écoute, ça serait bien. Non, ça serait bien qu'il y en ait pas. Mais si toi tu le penses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se fient aux réseaux sociaux. Hein. Beaucoup sont connectés. Des infos qui circulent, des fausses, des vraies infos. Est-ce que toi, tu te fies à ces infos télé, ou radio, ou alors sur le réseau social, notamment je nomme Facebook aujourd'hui. Et puis il y en a plein. Il y a Twitter, etc. Est-ce que toi, tu te fies à ça? Alors, beaucoup sur les réseaux sociaux, après j'évite trop les infos parce qu'à un bout d'un moment, bah, ça rend un peu. Puis ils disent pas toujours la même chose, un coup comme ça ou un coup comme ça. C'est vrai. Donc après, bah, je pense que si on respecte les distances et qu'on se lave, qu'on désinfecte tout derrière, il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, toi, c'est ton point de vue aujourd'hui. Maëva, on te remercie de ce petit témoignage pendant 3 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel Orléans, 96.2 FM. Merci pour ce témoignage, ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Merci pour le soutien au monde de la nuit. Eh ben, merci pour le soutien de la nuit, on les soutient aussi. Ouais, bientôt. On aura justement la vice-présidente de l'UMI 45 au téléphone dans 3 minutes. Merci Maëva, bonne journée à toi. Bonne journée. Salut la famille. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme ça au téléphone. Vous pouvez nous appeler aussi 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et puis un mec que j'aime bien, ouais, un peu de sensualité dans cette émission radio. Ça fait du bien de vous retrouver en direct à la radio. Salut Vito qui est connecté. Oh baby, baby, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes une belle après-midi en direct. Porque você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Do que de mim, do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você. Do que de mim, do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você. Do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô bebê, gosto mais de você. Do que de mim, do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você. Do que de mim, do que de mim. Seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ça c'est du soleil, ça sent bon l'été. Hein. Kevin O, oh baby, on va faire avec vous, c'est Francky dans la radio en direct. Eh ouais! After Job avec Francky l'après-midi. Eh ouais, l'après-midi jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, 16h30, 18h30. Dans moins de 3 minutes, elle sort au téléphone avec nous. C'est Sonia Alves qui est vice-présidente de l'UMI 45 Orléans. On va l'appeler au téléphone juste après Larissa, baiser salé. Puis vous aussi, vous pouvez réagir. 02 38 43 48 00, du Portugal. Sous le clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Aïe, bébé, le mal est fait. Il faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait mieux couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route cherchée. Tes yeux réalisés que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe. Mais ici, bien, t'es ma lady. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je me sais bien, t'es ma lady. On préserve ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Violoncelle seule, déboussole et sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Des noms censés, des paradoxes ou le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cette orage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Peine, peine, peine. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Ah, t'es ma lady. Ah, j'adorais ça. J'adorais Larissa de Portugal en force aujourd'hui. Et puis comme je le disais, on va numéroter. C'est parti pour direction Lumi 45. Sonia Alves, qui est la vice-présidente de Lumi 45, qui devrait être avec nous au téléphone dans quelques secondes. Voilà, si tout va bien normalement. Voilà, ça sonne, ça numérote. C'est parti, direction Sonia Alves. Alors, est-ce que ça va sonner? Voilà, ça appelle, ça appelle. Allô, Lumi 45 avec nous au téléphone. Ah, ça sonne, on est, c'est déjà bien, ça sonne. Voilà, une bonne nouvelle déjà. Deuxième valise, RTL. On est en direct à la radio. Oui, bonjour. Salut Sonia Alves, bonjour, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. T'es en direct, alors raconte pas de conneries. Non, tu fais ce que tu veux. Vice-présidente de Lumi 45, si je me trompe pas, tu me rattrapes si jamais je fais des erreurs. Bonjour Sonia Alves, comment elle va? Elle va très bien. Elle est en bien. Plein préparatif. Eh ben, pour l'ouverture. Eh ben, il faut préparer tout ça. Alors d'abord, pour expliquer un peu aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur Orléans, c'est quoi Lumi? Lumi 45. Alors Lumi, mais Lumi 45. Alors Lumi 45, c'est l'union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Voilà, donc vous êtes un syndicat, voilà, c'est ça, hein, pour aider les restaurants, les bars, les discothèques, les hôtels, etc. Si je me trompe pas, à peu près. Les traiteurs, l'événementiel, voilà. Voilà, vous tout êtes le monde. Vous êtes un peu notre bras droit, on va dire, en cas de problème ou pas. Hein, il n'y a pas toujours des problèmes non plus. On vous représente dans tout, les soucis, pas les soucis, voilà. Voilà. Alors, tiens, en parlant justement, on va commencer par toi. Comment s'est passé au mois de mars le confinement, justement, Sonia, pour toi, personnellement? Ben, quand on a 4 heures pour fermer un établissement, ça fait just. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein, alors, il faut être honnête, ça a été annoncé à 20 heures par l'État français. Hein, voilà. À 20 heures sur les chaînes télé, sur les radios, ça a été annoncé comme quoi tout le monde devait fermer à minuit, si je me trompe pas, hein, de mémoire. D'accord, sachant que nous, on n'était pas au courant, c'est nos clients qui nous l'ont annoncé. Voilà, il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant. Moi aussi, personnellement, j'étais pas au courant. J'ai reçu un texto à 20h15 en me disant, bah fais gaffe parce qu'il faut pas ouvrir. Ça a été un peu la surprise quand même, hein, mais bon. C'était pour la surprise pour nous. Ça fait mal au cœur pour notre personnel, bien sûr. Hein. Ouais. Moi, je reproche une chose là-dessus, c'est qu'on aurait pu terminer le week-end. Parce qu'il restait le week-end un jour, il restait le samedi, en gros, pour tout le monde, quasiment. Ou le dimanche pour d'autres. Qui ouvrait. Ça aurait été bien de fermer le dimanche, sachant qu'on allait tous voter. Donc voilà, j'ai pas compris, mais bon, c'est bon, comme ça. Ouais, on a pas trop compris l'histoire. Après, il y a eu l'histoire du vote. Le lendemain, tout le monde pouvait aller voter. Et par contre, on a fermé tout le monde à minuit. Bon, moi, ça, c'est un autre débat qui va perdurer, je pense, dans l'avenir. Et le déconfinement pour toi, c'est parce que tu es restauratrice aussi, Sonia, hein? J'ai un bar et un restaurant, oui. Voilà. Comment s'est passé après le 11 mai, le déconfinement? Alors les restaurants ne sont toujours pas ouverts, sur le service actuel. On pouvait faire du emporter, c'est ça, de l'emporter actuellement? Oui, on a fait du emporter, mais à savoir que le emporter ne rattrape pas notre chiffre d'affaires. Ouais. Nous n'avons pas beaucoup de clientèle à part nos clients fidèles qui sont là en solidarité, mais on fait pas un chiffre d'affaires énorme. Ce qu'il y a, c'est qu'on ouvre pour nous redonner un petit peu de morale, et puis parce qu'on est enfermé, on peut rien faire. Mais et que beaucoup de clients viennent plus dans le centre-ville puisque les bars, les restaurants sont fermés. C'est donc, ça. Ils voyaient pas d'intérêt de venir en ville. Donc là, je suis avec mon amie qui est directrice à Capotel, qui tient le Mercure et le Novotel. Et eux, elle aussi c'est voudrait compliqué. dire, Elle voudrait aussi dire deux mots pour tout ce qui est hôtellerie. Ouais. Parce que là, on ouvre, aussi vite fermé, aussi vite on va ouvrir, mais on n'en sait pas plus. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas trop d'avenir, entre guillemets. On n'a pas de perception, on ne sait pas comment faire. Notamment aussi pour les bars de nuit, l'ambiance, les discothèques aussi, je pense, les bowling aussi, qui n'ont aucun message de l'État français. Aucun. Alors, voilà, il n'y a pas d'horizon. On ne voit pas d'horizon, on ne voit pas le bout. En fait, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Alors là, il peut y avoir des surprises. Peut y avoir des surprises cette semaine, voilà. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, garder le moral, garder la confiance, parce que voilà, il faut pas. Alors moi, pour ça. Il faut pas non plus se fier à tous les journaux, tous les réseaux sociaux et voir des infos qui circulent en c'est disant. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça qu'à toi, je l'ai dit, ouais. et je l'ai dit aussi au 30-40. Ouais. Arrêtez de regarder BFM télé et compagnie. Ils savent rien. Voilà. D'accord. À part vous mettre le moral à zéro, ils savent rien, ils savent pas plus que nous. Mmh. Donc c'est pas la peine de vous démoraliser quand vous voyez une annonce. Voilà. Y a rien d'officiel, on sait pas. Même eux, ils savent pas peut-être. Est-ce que vous, Lumi, qui êtes en contact assez régulièrement avec l'État français, entre guillemets, est-ce que vous avez des perceptions là-dessus? On nous a dit que cette semaine, il y aura peut-être des nouvelles. D'ici ce soir. Ouais. D'ici ce soir. Ouais, on sort un petit peu. On a déjà reçu une partie de notre charte, on sait ce qu'on doit faire et pas faire, mais voilà quoi. Mais bon, ce qu'ils nous annoncent, on le fait déjà, donc il n'y a rien d'alarmant pour nous non plus. Ouais. Donc voilà, c'est pas... Mais je vais laisser parler aussi la directrice de Cap Hotel, tout ça, va vous expliquer aussi un petit peu. Alors justement, passez-nous les hôtels, on va parler avec les hôtels justement aussi, pour eux c'est compliqué. C'est vrai, pas d'ouverture pour le moment, des hôtels vides. Bonjour madame, excusez-moi. Bonjour madame Annie. Comment elle va? Bien, ça va, le moral est toujours là, d'actualité? Le moral est resté, il n'y a pas de souci, c'est juste l'activité qui ne vient pas, donc voilà, je suis un peu comme Sonia, on est dans l'incertitude pour comment on va ouvrir, quand est-ce qu'on va ouvrir, et est-ce qu'on va ouvrir pour récupérer du chiffre, est-ce qu'on aura des clients? C'est ça, ouais, parce que... Alors, c'est la grande interrogation qu'on se pose. Alors là, les hôtels sont complètement fermés aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, c'est ça, hein? Alors, les hôtels n'ont pas eu de fermeture administrative obligatoire, ils ont fermé parce que, lié au confinement, il n'y avait plus de flux de voyageurs. Bah, bien donc, sûr. Donc, plus de flux de clients, plus de clients dans les hôtels, donc tous nos hôtels étaient fermés, effectivement. Il y a Mercure qui ouvre à partir d'aujourd'hui. D'accord. Mais tous les autres hôtels restent fermés. Donc, tous les hôtels sont fermés. Alors, vous n'avez pas de fermeture administrative, contrairement aux discothèques ou aux bars de nuit? Non. Voilà. Donc, vous pouvez réouvrir si vous voulez, ça c'est... Mais bon, après, réouvrir avec pas de clients, c'est compliqué. Donc, vous avez décidé... C'est ça. Avoir des charges et pas de CA au-dessus pour avoir de la production et du coup rééquilibrer les comptes, ce serait pas justifié, ouais. Bah justement, comme vous n'avez pas de fermeture administrative, est-ce que vis-à-vis de l'État, vous avez les aides? Est-ce que vous avez tout ça qui tombe aussi? Les charges sont suspendues parce que, comme c'est pas une fermeture administrative, est-ce que ça rentre en compte, justement, ça? Ça rentre en compte quand même. D'accord. Parce que c'est lié au confinement et c'est lié à la conjoncture du fait qu'au niveau tourisme et flux des voyageurs, on n'a plus personne. Donc ouais, ça rentre en compte quand même, même s'il n'y a pas eu de fermeture administrative, ouais. Vous attendez beaucoup aujourd'hui de l'État français cette semaine, normalement peut-être des réponses justement pour les hôtels, pour tout le monde de la nuit. Est-ce que vous attendez beaucoup? Mais normalement oui, de toute façon c'est une question un peu bête, mais... Alors moi j'attends surtout des réponses qui soient rassurantes auprès des clients, pour leur donner envie de revenir. En fait... Avec des mesures qui sont aussi applicables au niveau des restaurants, des cafés, des hôtels, des discothèques, des bars de nuit, enfin de... Voilà, tout le monde du coup qui travaille autour de l'univers de la restauration et de l'hôtellerie. Bien sûr. On est vraiment des données et des mesures qui soient applicables chez nous. C'est ce qu'on veut. En fait, on veut des nouvelles. On veut nous dire, ça sera en septembre, ça sera en juillet, ça sera en août. Il faudra faire ci, il faudra faire ça, il faudra mettre ça en place. Au moins qu'on se prépare aussi à l'ouverture, parce que mettre quoi en place, c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. C'est ça. Ouais. C'est qu'on sait pas. Voilà. On a des mesures, comme disait Sonia, effectivement, qui tombent petit à petit et qui sont de l'ordre de ce qu'on établit déjà. Mmh. Qu'on n'aille pas nous faire des réformes ou des nouvelles applications à mettre en place qui seront irréalisables pour nous et qui nous feront perdre à coup sûr du chiffre d'affaires. Si vous, aujourd'hui, vous aviez une idée ou des idées, justement, pour la réouverture de l'hôtel, ça serait quoi pour motiver la clientèle à revenir, la clientèle étrangère ou même française qui vont certainement partir en vacances, j'espère, dans la région, parce qu'on va quand même privilégier la France, hein, ça serait bien aussi qu'on reste en France pour refaire vivre, justement, tous les hôtels, les restos, les bars, etc. Ça serait quoi? La solution pour les hôtels, ça serait quoi aujourd'hui? Parce que c'est un peu plus facile, je dirais, pour les hôtels, quand même, la distanciation, non? Parce que un par chambre, ou je sais pas. Oui, sur l'hôtellerie, l'adaptation serait rapide, parce que du coup c'est une personne par chambre, voilà. Une personne par ascenseur quand on monte aux chambres, ouais. La mise en place de room service que le client pourra récupérer directement au niveau du restaurant, ouais. L'équipe au restaurant qui serait totalement équipée comme il se doit pour les mesures sanitaires. Donc nous sur le terrain on n'aurait pas trop de problèmes par rapport à ça. Oui c'est ça, c'est un peu plus facile entre guillemets, je dis facile c'est un grand mot, mais c'est plus facile quand même pour les hôtels que par exemple les bars de nuit ou les bowling ou les discothèques en ce moment, hein. C'est un peu plus facile. Pour nous, c'est un peu plus simple. Mais par contre, voilà, un hôtel, ça ne se remplit que par l'attractivité de sa ville. Et l'attractivité d'une ville, ça vit aussi par les restaurants, par les cafés, par les bowling, ce genre de choses. C'est donc, quoi qu'il en soit, on est tous embrigadés dans la même problématique. C'est vrai que là, on est un peu à l'arrêt. Je vous remercie de votre témoignage aujourd'hui. Hein, ça fait plaisir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous souhaite une très, très bonne. Vous me repassez Sonia? On va finir avec Sonia? Je vous repasse Sonia. Bah voilà. Bonne journée. Bon courage à tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir. Sonia Alves, vice-présidente de l'UMI 45, je te reprends Sonia, rebonjour. Rebonjour. Alors ça serait quoi le mot d'ordre que tu pourrais faire passer aujourd'hui toi pour soutenir un peu tous ces gens qui vont pas encore ouvrir, pas tout de suite en tous les cas, garder le moral, garder la pêche, après on va dire c'est facile à dire, pas facile à faire, il faut que l'État suive aussi. Si, mais les gens ils ont le moral de savoir qu'on a déjà une date, ça nous aide à avancer. Ça nous permet de revoir notre personnel à temps, de les recontacter, qui sont d'abord très contents de retravailler, parce bien que sûr. Voilà, on a des gens quand même motivés, hein, on a des équipes motivées. Maintenant, où on va, on sait pas trop, mais bon, on a déjà le plaisir d'ouvrir, on a déjà de la chance. Ouais, c'est ça. D'autant plus que la mairie d'Orléans nous accorde le droit de dépasser un petit peu, d'élargir nos terrasses, donc voilà, ouais. Ils veulent nous laisser travailler. C'est quand même sympa de leur part. C'est bien. Bon, oui, il fallait le faire, de toute façon. Il fallait le faire. Il faut être honnête. Hein, il fallait le faire. Oui, oui, oui. Parce que on s'est toujours critiqué, mais quand ils font des choses bien, on ne le dit pas souvent. Mais là, on le reconnaît. Voilà. Qui vont nous laisser travailler, bon, dans les règles des choses, bien sûr. Bien évidemment. Mais voilà, si on dépasse d'une table, ils vont pas venir nous mettre une amende. Voilà, c'est ça que je veux c'est dire. Ça, voilà. C'est donc, ça. ils vont faire une com aussi avec l'Office du tourisme pour la ville d'Orléans. Ils vont faire pas mal de choses. Donc, parce que. Donc voilà quoi. Bon bah gardez, en tout cas il faut garder le moral, garder la pêche, même si je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Il faut essayer. En tout cas, dans tous les cas, il y a l'UMI pour tout renseignement, il y a les RDT, il y a la CRDT, ouais. Tout ça nous aide. Hein. Bien sûr. Après vous avez des soucis, il y a le CFA, il y a la CCI qui sont là pour nous aider aussi. Hein. D'accord. Donc voilà. Avec des vraies réponses. Ouais. Avec des vraies réponses. Oui oui. Voilà. Oui, avec des vraies réponses. Et puis, ils sont là aussi pour nous aider parce que il y a de la paperasse à faire qu'on sait pas toujours. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des antennes, justement, pour nous aider à remplir des dossiers. Mais voilà. Si nous, à l'UMI, on peut pas vous aider, ou qu'on n'a pas le temps, ou que c'est trop rapide, faut pas hésiter à les contacter non plus, hein. Eh bien, c'est ce qu'on fera. Voilà. En tout cas, Sonia, je te remercie pour ton témoignage aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir. Tu nous entends? Je t'ai dit, hein, faut pas démoraliser. En premier temps, c'est les bars, restaurants, ouais. Les discothèques qu'ils en parlent. Mais bon, apparemment, tout est ouvert, donc vous n'allez pas rester éternellement confiné non plus. Mais gardez espoir. Ouais, on va revenir. En tout cas, on espère que toute la France va rebouger, toute la planète aussi. Merci Sonia, ton témoignage. Merci. Passe une belle journée. À bientôt. À bientôt. En direct, Sonia Alves, vice-présidente de l'UMI 45. Ça nous a fait plaisir de l'avoir au téléphone. Salut à Sonia qui vient de se connecter. Salut Mohamed aussi qui est là. Salut Quentin. Salut Richard. Merci d'être nombreux aujourd'hui à nous écouter. 17h14 en direct. Sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. We'll be right back. de liqueur amère que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Radio Concel, le meilleur des souvenirs, la météo pour demain, bah du bonne nouvelle. Ah ouais, j'ai plein de bonnes nouvelles à filer en direct. La météo. La météo demain, le 26 mai. Eh bien, très bonne nouvelle, du soleil pour tout le monde. Les températures de 11 à 24 degrés. Et le soleil sera bien présent. Et il sera présent toute la semaine jusqu'à dimanche. Il va faire beau. Alors, normalement, je me trompe pas. Si Météo France ne sont pas plantés, c'est ça. Mafiosa qui arrive sur un arc-en-ciel. Et puis, je vous l'ai dit, à 18h, il sera notre invité en exclusivité aussi au téléphone. C'est Richard Ramos qui est député modem de la 6e circonscription du Loiret. On parlera du milieu de la nuit aussi, des hôtels, des restaurants, des bars, des discothèques, etc. avec lui. Il sera au téléphone avec nous, le député. Oui, parce qu'à la radio, on peut pas recevoir d'invité pour le moment. Il y a Estelle qui vient de se connecter. Salut Ludo aussi qui est là. Salut Alex en direct avec Mafiosa qui arrive sur votre radio couleur. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Et voilà que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem. On va le cacher à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. C'est elle qui nettoie mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Bang sur Radio Arc-en-Ciel, heureux d'être avec vous. Salut Céline qui est là, salut Nathalie, en direct à la radio. Merci d'être aussi nombreux sur la FM, hein. Il y a plein de messages qui arrivent sur le site internet. Salut Francky, c'est Edouard, je vous souhaite une belle après-midi. Moi aussi mon ami, en radio en couleur, jusqu'à 18h30 en direct, c'est la radio. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Plein de soleil pour vous réveiller cet après-midi, histoire d'être au bord de la piscine en direct à la radio. Si Nicky Yam, un Mikama, c'est sur l'arc-en-ciel. Heureux d'être avec vous, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando sur Radio Arc-en-Ciel, vous pouvez nous écouter sur le 96.2 FM, sur le lien aussi internet, hein, Radio Arc-en-Ciel Orléans, vous tapez ça sur le moteur de recherche Google, et là ça vous connecte directement. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, et le mot de fils qui revient après 10 ans de ça m'énerve, et bien une nouvelle version pour tous les infirmiers, les infirmières, les médecins, les docteurs. Voici Helmut Fitz, version 2020, et c'est pour tous les docs qui nous écoutent. Salut la radio. Héros du quotidien qui continue le travail. Mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Le rouge à lèvres, c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Toutes celles qui font pas du 34 comme Marois Loult. D'ailleurs, elles ont raison. T'enfileras un jogging, t'éternueras dans ton coude. Wuhan. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. appel Amazon, une blondasse au téléphone me dit: je peux vous aider? J'ai plus de PQ vous livrer. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit: Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit: Helmut, rentre chez toi. Nous sommes en guerre. Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian. Qui veulent plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Toutes celles qui boivent du champagne rosé. Pour oublier le confinement qui va durer. Bah oui, ça m'énerve. Et il revient, le Mout. Elle fait le Mout, Fritz, yaouh! Ah, ça me fait plaisir de le retrouver 10 ans après quand même, hein, le ça m'énerve. Il a fait une version pour tout le personnel hospitalier qui nous regarde justement. Il y a Samira qui est connecté. Salut Samira. Salut Tiad, on va en parler justement, qui sera notre invité demain. Je vous en parle tout de suite en direct à la radio. C'est Francky, ouais, tu vas me manquer. C'est vrai que vous m'avez manqué pendant 7 semaines de radio, d'interruption radio. En tout cas, on était reliés directement sur le Portugal. Salut Florent Amigo qui enregistre l'émission. Florent, on te passe le big up, mon ami. Donc je vous rappelle, demain il sera notre invité au téléphone, c'est Titi Tiad, le chanteur. Ah oui, on le connaît, Orléans, voilà. Avec le titre, rentrer. Non, rester à la maison. Rentrer à la maison, ça serait bien aussi, hein. Pas tout de suite. Notre invité demain en direct à la radio, c'est Tiad, vers bon, allez, 17h15. Bah, c'est Gims, tu vas me manquer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer. Cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent, plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. J'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Je t'attendrai encore, encore et encore, tant que mon corps supportera ton absence. Je t'attendrai encore, encore et encore. Gims sur l'arc-en-ciel, tu vas manquer, c'est vrai que vous m'avez manqué là pendant 7 semaines d'absence, c'est tranquille dans la radio. 16h30, 18h30, 96.2 FM, ou là vous connectez sur le site internet là, radioarc-en-ciel.fr. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, je suis là jusqu'à 18h30. À 18h, il sera notre invité. Richard Ramos, député MoDem de la 6e circonscription du Loiret, sera en direct avec nous pour parler justement du milieu de la nuit. Comment vont-ils s'en sortir? A-t-il des réponses? Eh bien, j'espère qu'il aura des belles réponses et des belles choses à nous dire. En tout cas, il sera notre invité à 18h. Et puis lui, il sera notre invité demain. Eh ouais, demain, vers 17h30 à peu près. C'est Tiad, vous le connaissez. Il vient de faire un titre qui cartonne. C'est Rester à la maison. On se l'écoute en exclu sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Tiad, Rester à la maison. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Dans la brume de ce moment, c'est notre corps l'instrument d'un essai de la nature, d'un Covid un peu trop dur. Nous avons les armes qu'il faut, juste rester bien au chaud, le faire pour se protéger, le faire pour tous nous sauver. Rester à la la vie prend un autre sens quand elle nous prive de liberté. La vie vit à contresens dans ce monde si tourmenté. La nature prend le dessus sans pouvoir le contrôler. Et je veux croire à l'amour. Sortirons bien plus fort et nous parviendrons encore à nous prendre dans les bras, à nous embrasser, toi. Ah, j'adore, Tiad, il sera au téléphone avec nous demain à partir de 17h30 je pense, en direct à la radio. Le chanteur Tiad d'Orléans, ça me fera plaisir de le recevoir. Bah oui, au téléphone, pour l'instant pas d'invité en studio, mais bon, déjà au téléphone c'est une grande voix. Restez à la maison, nouveau hit, on vous en parle demain en direct avec lui. Et puis de bons souvenirs aussi. Ah ouais, on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Restez à la maison, c'est ce que fait Johan qui est rentré du boulot. Salut Francky, je suis rentré du boulot là il y a 15 minutes, je t'écoute à la radio, ça me fait plaisir de te retrouver. Bah moi aussi ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes nombreux à nous écouter l'après-midi, 96.2 FM en voiture ou alors sur le site internet Radio Arc-en-Ciel Orléans. Voici Kylie Minogue, Better the Devil You Know. Excuse. Ah, quel souvenir, la belle Kylie Minogue dans les années 90. Ça, c'est pour mon pote Benoît qui nous regarde, qui nous écoute. Kylie Minogue, Bezer, le Devil, you know, sur un avancé. Alvaro Soler qui arrive avec Sophia, puis on aura Juliette qui a créé la cagnotte. Merci pour l'hôpital d'Orléans. On va en parler avec elle au téléphone dans quelques minutes. Et puis juste avant, bah, du bon son. Sophia, Alvaro Soler, y'a pas. Elle rate de la Tina, arc-en-ciel, 96.2 FM. Vous êtes en direct, il est 17h38. Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía. Alvaro Soler avec Sofia sur la grand ciel, fait un peu de soleil. Ouais, le soleil est là et puis il sera là toute la semaine. Hein. Jusqu'à 24 degrés demain, ça c'est la bonne nouvelle et il va faire beau toute la semaine. After Job avec Francky l'après-midi. Ouais, l'après-midi, je suis là, puis on appelle Juliette qui a écrit la cagnotte. Merci. Pour l'hôpital d'Orléans, on va l'avoir au téléphone. Ouais, allô, bonjour. Bonsoir Francky, comment vas-tu? T'es en direct à la radio, Juliette. Ça change un peu des directs de chez moi. Hein. On est bien là, la radio, on est bien installé. Tout le monde t'écoute dans les voitures, sur Internet. Là, attention à ce que tu vas dire. Eh bien, bonsoir tout le monde, enchanté. Voilà, Juliette, je te rappelle parce que toi, tu es à l'origine de la création avec de quelques personnes. Merci, la cagnotte, Letchi. Oui, on est quatre, ouais. Voilà, on peut les nommer. Il y a qui dans les quatre? Bien sûr, ouais, Idrissa, Alexandra et Pépéros. Voilà, donc une cagnotte qui est créée sur Letchi. Elle est terminée la cagnotte aujourd'hui, je crois. Hein. Elle est terminée, exactement. On est en train de parler avec Litchi pour pouvoir récupérer les fonds et la reverser dans la cagnotte de l'hôpital. Voilà, en principe, ça va assez vite. Hein. Normalement, c'est en quelques jours. Hein. Écoutez, on a un petit bug technique, franchement. On suit ça tous les jours. On est toujours avec le service technique. Donc, on attend que ça se débloque. Mais ça va se débloquer. Ils ont tellement de demandes. Alors, on parle de cagnotte. Merci. Les gens, ils connaissent peut-être pas de l'autre côté de la radio, ceux qui nous écoutent, en tous les cas. On peut expliquer un petit peu l'origine de cette cagnotte. Merci pour l'hôpital. Oui, en fait, c'est à peu près un mois, on a créé cette cagnotte de façon à apporter un plus dans le quotidien du personnel soignant du CHRO d'Orléans. Ouais. L'idée, c'était de récupérer des fonds et de reverser à l'hôpital, tout simplement, pour qu'ils aient un confort au quotidien qui soit un peu amélioré, je dirais, par rapport à ce qu'il fait actuellement. Bien sûr, ouais. Donc ça passe par un aménagement, par exemple, de la salle de repos, des petits déjeuners améliorés, des choses comme ça. Ah ouais, d'accord, donc un bon geste. Et vous, alors concrètement, vous avez récolté combien aujourd'hui sur cette cagnotte? Eh bien, presque 1800 euros. Ah ouais, bien, bravo. Ouais, c'est non, bien. C'est top, hein. Ouais, on c'est bien. Content, hein. Alors voilà. même si c'est, on va dire, c'est une bonne goutte d'eau dans cette vasque, alors, hein. Une bonne goutte. Exactement. D'eau. Voilà. Après, exactement. Après, avec plusieurs gouttes d'eau, on peut faire un océan. Attention, hein. Mais voilà. Regarde, quand on va reverser dans la cagnotte de l'hôpital qu'ils ont, d'ailleurs, sur l'itch et sur leur site internet. Ouais. On va, je crois qu'ils vont passer les 12 000 euros. Hein, donc ah ouais. C'est une belle goutte d'eau dans l'océan. Quoi. En tout cas, bravo à vous quatre, vous avez assuré merci grave. Francky. D'autres projets dans la tête qui vont peut-être prendre forme aujourd'hui. Oui, mais on n'en parle pas, on reste en top secret. On le saura plus tard quand ça sera concrétisé. Mais bien sûr. Et ben, ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone, Juliette, pour merci en parler. Merci Francky, c'est un plaisir aussi. Courage à toi. Bah merci, on est là, t'inquiète pas, on est là dans les studios de la radio. Merci Juliette, bonne journée à toi. Bonne soirée, salut. Allez, on vous souhaite une bonne soirée avec Alice Akis qui arrive. Et puis, je vous l'ai dit, à 18h, il sera notre invité à la radio. C'est monsieur Richard Ramos, député MoDem de la 6e circonscription du Loiret, en direct à la radio, au téléphone. J'adore là. Elle va s'énerver, Alice Akis. Non, personne, no one. En direct à la radio, c'est Francky, ça me fait plaisir. Eh ouais, salut Benjamin, salut Bruno, allez vas-y. Oh oh oh. Ah j'adore cette fille, je sais pas pourquoi je la kiffe. Alice Akis, no one, non personne, personne n'est là aujourd'hui. Bah si, il y a du monde justement de connecter, ça fait vraiment, Vraiment plaisir de vous retrouver en direct à la radio. Et puis Maria Carré qui vient le petit remix. Et puis je vous l'ai dit, à 18h, il sera notre invité. C'est Richard Ramos, député MoDem de la 6e circonscription du Loiret. Il sera en direct à la radio au téléphone avec nous. On aura quelques petites questions à lui poser, notamment sur le milieu de la nuit. Ouais, voilà. Vas-y, Maria Carré, Without You. Puis quel succès pour Maria Carré, ce petit remix sympatoche. Without You, heureux d'être avec vous, c'est Frankie dans la radio et l'After Job. After Job avec Frankie l'après-midi. Eh ouais, l'après-midi, puis la météo pour demain. Bah demain il va faire beau. Eh ouais, je vous l'annonce tout de suite. Eh ouais, c'est là. La météo. La météo pour demain. Eh bien, la bonne nouvelle du soleil sur toute la région. Les températures au lever du jour, plutôt pas mal. 11 degrés demain matin. Et on va dépasser les 23, 24 degrés. Voici la bonne nouvelle. Et pour toute la semaine, ça va être comme ça. Du soleil et encore du soleil. Dans moins de 9 minutes, il sera en téléphone avec nous. C'est Richard Ramos, député MoDem de la 6e circonscription du Loiret. On va parler un peu de la night, de la nuit avec lui. Voilà. Alors on va avoir plein, peut-être des bonnes nouvelles. Peut-être s'il est dans l'hémicycle. Allez, Last Christmas, ça arrive, c'est sur l'arc-en-ciel. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Bah ouais, un peu de soleil, direction Noël. Tiens, avec mon poteau Rodrigo Hayes, qu'on aura au téléphone certainement demain après Tiad. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. De todo corazón les deseo feliz Navidad. Olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Soy un

Louis Bertignac, la bonne année, ça, hein, ses visiteurs, ses idées-là, l'ex-membre du groupe Téléphone sur Radio Arc-en-Ciel. Salut Stéphane qui est connecté, le Cap d'Agde. Ah, salut le Cap d'Agde. Salut David, l'Espagne est là aussi en force. Richard Ramos, député Modem de la 6e circonscription. Connectez-vous sur Internet pour écouter le live, l'interview. Il arrive tout de suite dans la radio, on va l'appeler juste avant ça. Ah ouais. After Job avec Francky l'après-midi. Avec Francky l'après-midi et puis on appelle Richard Ramos qui est député. Voilà, on l'appelle tout de suite au téléphone en direct à la radio et ça va me faire plaisir de l'avoir normalement. Désolé, mais la messagerie vocale. Ah, c'est la messagerie. Eh ben c'est pas grave, c'est dans 3 minutes. Ouais, c'est pas grave, on va le rappeler, on va le rappeler Monsieur Ramos juste avant. Voici Amine et je voulais. Amine, je voulais que tu portes mon nom sur Radio Arc-en-Ciel. Bah ouais, Franck Le Maire. After Job avec Francky l'après-midi. Eh ouais, et puis on appelle Richard Ramos au téléphone. Normalement, ça devrait passer si tout va bien. Allô, voilà, ça sonne normalement. Hein, ça va sonner. Forcément, ça sonne. Allez, c'est parti. Direction le Loiret. Eh ben voilà, une belle sonnerie de téléphone. Allô. Oui, bonjour monsieur Richard Ramos. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes député Modem de la 6e circonscription du Loiret. Vous êtes en direct sur la radio Arc-en-Ciel, notamment sur le réseau Facebook et puis en l'antenne 96.2 FM. Bah bienvenue à vous monsieur Ramos. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors une première question, est-ce que le confinement et le déconfinement pour vous s'est bien passé dans les deux sens hein? Alors, moi, j'ai eu cette chance-là. Je n'ai pas connu le confinement puisque pendant 7 semaines, j'ai livré à peu près entre 30 et 40 points de livraison de gel par jour. Oui. C'est du gel qui a été fait dans notre beau Loiret, soit chez Christian Dior à Saint-Jean-de-Bray, ouais, groupe LVMH, soit chez L'Oréal. Et donc, j'ai distribué quasiment 30 à 40 points de gel par jour pendant 7 semaines. Ah, ça a été un sacré travail, alors, dites-moi. Tout ça. Comment? Ça a été une sacrée organisation et un sacré travail, Laurent. tous les jours. Alors, j'ai appris ce que c'était que la logistique. Eh ben voilà. C'est-à-dire pouvoir s'organiser dans une tournée pour que tout le monde soit livré, de la caissière, de l'infirmière, de celui qui a un débitant de tabac, un boulanger, un charcutier, et aussi les aides à domicile. Donc personne n'a manqué de gel dans ma circonscription. Eh ben voilà. En tout cas, les gens devaient être contents de vous voir arriver avec des masques, des gels, parce que à l'époque c'était un peu plus compliqué pour en avoir. Maintenant, c'est un peu plus facile, on va dire. Donc ils étaient certainement heureux de vous voir. Ouais, monsieur. Oui, et puis beaucoup d'entrepreneurs avaient joué le jeu, nous donnaient des blouses, des choses. Donc c'était, et ça très tôt, puisque c'était dès le premier jour du confinement. Voilà. Alors j'ai quelques petites questions, notamment sur la nuit. Alors j'espère que vous allez pouvoir y répondre ou pas. Depuis le 11 mai dernier, certains ont repris leur activité, hein, partiellement ou à temps complet. D'autres vont réouvrir le 2 juin, notamment les cafés et les restaurants. Et certains, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, dans les radios, dans les médias, c'est les bars de nuit, les discothèques, les bowling, etc. etc. Quelle est votre vision aujourd'hui en tant que député sur ces établissements qui attendent dans le doute et sans pouvoir se projeter par l'avenir? On a rencontré à Orléans, donc le ministre était venu, le ministre Lemoine, il y avait des représentants de la nuit, de l'UMI, oui, et des discothèques du Loiret. Évidemment, je pense que il faut essayer qu'on puisse réouvrir un maximum de gens. Les gens ont aussi besoin de faire la fête. C'est ça, oui. Voilà. Et donc, moi, ma position aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut être prudent, mais il faut réouvrir. C'est-à-dire que je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'essayer de retrouver comme une normalité. Alors, il faudra faire très attention. C'est très compliqué, parce que quand on danse, évidemment, ouais, on peut être très proche. Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions. Il faut que chacun soit un peu inventif. Mais surtout, il ne faut pas dire « c'est fermé ». Oui, pour l'instant. Regardons ce qu'on est capable de faire tous ensemble pour faire en sorte que ces métiers-là puissent demain ne pas péricliter complètement, parce que sinon ça va être l'hécatombe. Et on a aussi besoin notamment d'une jeunesse qui aille s'amuser. Bien sûr. Une jeunesse où les plus anciens aussi aiment s'amuser, hein, monsieur Ramos. Oui, ah, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais quand on est plus ancien, on peut des fois avoir des distances un peu plus bien grandes sûr avec les autres. On est plus voilà. Quand vous êtes plus jeune, vous êtes peut-être plus mordant pour vous rapprocher des autres. Ça, c'est vrai. Pourtant, ils font partie du même syndicat de l'UMI. On a l'impression que les restos sont un peu plus considérés, serait-ce parce qu'ils sont plus nombreux, plus visibles, vous pensez, en France? Oui, bien sûr, parce que le poids économique, et puis ils sont beaucoup plus visibles, et puis le monde de la nuit est toujours un monde un peu particulier. Oui. Oui, ils sont plus visibles, évidemment. Puis le nombre d'emplois dans les uns et les autres, c'est pas comparable. Et donc, l'enjeu pour les restaurateurs, pour le pays, je parle pas individuellement, bien sûr, cas par cas. Bien sûr, hein. Mais c'est évidemment plus important. Mais faut pas oublier les autres, vous savez. Je pense que c'est comme ça qu'on commet des erreurs. Je pense que, notamment les discothèques, il faut pas les négliger. Il faut essayer de trouver des solutions. Ben justement, vous qui êtes dans l'hémicycle, pourquoi le gouvernement n'informe-t-il pas éventuellement sur une réouverture ou sur des choses à mettre en place aujourd'hui, sur notamment les discothèques, les bars de nuit, les bowling, etc. Ben, parce que c'est plus risqué, très clairement. Le bowling, j'ai envie de dire, sur les bowling, on pourrait trouver à peu près la même. Ça devrait être plus simple. Parce que c'est plus simple. Mais dans les discothèques, ça peut faire peur à certains, et notamment au comité scientifique, parce bien que sûr, par nature, dans une discothèque, comme on le sait, on est proche des uns des autres. Oui, bien sûr. Donc, c'est aussi plus compliqué. Voilà. Mais ce que. Après, il faut dire une chose, ça peut être quand même bien encadré, parce que quand je vois des gens qui sont dans les rues, des rassemblements, notamment à Paris, j'ai vu pas mal de choses, 2-3 000 personnes allongées sur les pelouses, etc., les uns sur les autres quasiment. Les discothèques, quand même, c'est structuré, il y a un service d'ordre, il y a moins de people, on va dire. Oui, mais quand vous voyez le nombre de personnes que vous mettez dans une discothèque, oui, par nature, au mètre carré, ouais, c'est forcément plus risqué que si vous ouvrez les bords de Seine ou les bords de Loire. Bien sûr. Ouais. Et donc, il faut trouver les solutions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse essayer de trouver, d'être inventif. Et donc, je pense qu'il faut tester, il faut aller au maximum, voilà. Mais tout en protégeant aussi les uns et les autres, parce que il ne s'agit pas de penser que tout est derrière nous. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, justement, pour les bars de nuit, les discothèques à ouvrir, donc ils n'ouvrent pas. Ils n'ont pas beaucoup d'aide. Ils ont eu l'aide de l'État, certains, les 1500 euros. Certains ont eu le prêt de l'État aussi. Que pensez-vous de la perte d'exploitation que les restaurateurs, discothèques, bars, bowling, etc. ont signé avec les assurances? Et aujourd'hui, ne rentre pas dans le cas du Covid-19. Les assurances restent muées quasiment, ou ne donnent pas, à part des reports d'échéances c'est tout ce qu'ils proposent en règle générale, hein, si j'ai suivi quelques dossiers. Mais voilà, je m'exprime sur votre radio aujourd'hui, je l'ai fait par le passé, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps également dans les médias nationaux. Je pense que les assureurs, c'est la honte du moment. Oui. C'est-à-dire que ils ont engrangé des 100, je crois plus de 130 milliards d'euros d'économies, d'accord, ces gens-là. Et donc aujourd'hui, ne pas faire jouer la perte d'exploitation en disant que c'était pas prévu au contrat, je pense qu'on se moque du monde. Monsieur Ramos, on se moque du monde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous signez un contrat, n'importe lequel contrat, discothèque, bowling, etc. Il y a 3-4 ans ou 10 ans en arrière, on pensait pas qu'il y aurait une pandémie en France, enfin sur la planète même, hein, en général. On est d'accord. Voilà. Alors ils sont assurés pour le feu, pour la fermeture administrative, pour le etc. L'incendie, les dégâts des eaux, mais bon, pas pour le Covid-19 entre guillemets quoi. Cette non terrible. Mais il y avait des assurances de catastrophes naturelles. Est-ce qu'on pourrait pas considérer, même si c'est une catastrophe sanitaire, c'est pas une catastrophe qui rentrerait dans le champ de la catastrophe naturelle? Et donc, moi, je l'ai dit publiquement, j'ai écrit au ministre, vous savez, je siège à la commission des affaires économiques, je milite pour que les assureurs ont les fasses payer. Et que, notamment dans les professions qui sont les professions de l'hôtellerie et des discothèques et des bars d'ambiance, les assureurs prennent leur part. Je pense que c'est indispensable. En plus, et sans rentrer dans les détails, ils ont un peu gagné d'argent parce qu'on a moins circulé, donc il y a eu moins de casse automobile, etc. Ouais, casse, ouais. Et donc, voilà. Et donc, il faut qu'ils prennent leur part. Pour l'instant, c'est plutôt honte aux assureurs. Voilà, honte. Alors moi, j'ai contacté un assureur cet après-midi, hein, je ne donne pas le nom. Concrètement, aujourd'hui, les informations qu'ils ont, c'est soit des reports d'échéance à quelques mois, un mois ou deux mois, pas plus, ou alors une annulation de l'échéance du mois ou du trimestre. Voilà, c'est ce qu'ils proposent pour le moment, ce qui peut aider. Mais enfin, après, c'est pas un aide. Si c'est un report, c'est repoussé. Hein, c'est repoussé toute la charge. Attendez, ils peuvent pas quand même faire payer des gens qui n'ont pas exercé d'activité. Bah, c'est ça. Il y a eu un moment, il faut. Vous avez des gens, par exemple, qui font, par exemple, dans notre belle région du Val-de-Loire, des montgolfières. Oui. D'accord. On savait qu'ils pouvaient pas faire des vols en montgolfière. Et les assurances en montgolfière, c'est plusieurs milliers d'euros par an. Eh oui, c'est ça, ouais. Et le risque, il n'a pas été encouru puisque de toute façon, ils pouvaient pas voler. Est-ce que vous allez, personnellement, dans l'hémicycle, est-ce que vous allez monter au créneau encore sur les assurances? Ah mais je vais remonter au créneau. Bien évidemment, je suis demain et après-demain au Parlement, à la Commission des affaires économiques, et sur l'assurantiel, évidemment que je vais remonter au créneau. Mais c'est des gens puissants, et c'est des gens qui ont c'est des bons lobbyistes. Voilà, et donc il faut les combattre, mais il faut rendre lisible, toujours rendre lisible les combats. Juste avant le dernier mot que vous aurez, Monsieur Ramos, s'il devait, je dis bien, une deuxième vague en France, est-ce que l'État français serait là pour surmonter, arriverait à surmonter par rapport à cette première vague? L'État français a été là et est là quand même pour la première vague. Il faut regarder quand même ce qui a été fait. Bien sûr. Regardons de près. Il faudra qu'il soit là pour la deuxième vague s'il y a une deuxième vague. Et donc oui, l'État doit être là, et c'est là où on s'aperçoit. Que finalement on critique l'État, on critique la force publique, mais on a besoin d'elle. Donc, mais l'État, c'est les citoyens. C'est ça. Il n'y a pas d'argent magique. Hein. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'argent magique. Donc ça veut dire que l'État doit être là parce que on doit être au rendez-vous des citoyens. C'est comme moi, comme député sur ma circonscription, j'ai arpenté mes 25 communes. Parce que dans cette catastrophe qu'on a vécue, je ne me voyais pas faire autre chose que d'être proche des gens qu'on avait besoin. C'est clair. Monsieur Rameau, je vais vous laisser le dernier mot. Si vous aviez un message de soutien justement pour les gens qui ne vont pas encore ouvrir tout de suite de la nuit, ça serait quel message? Un message positif, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à démoraliser. Oui, je le vois bien. Il faut tenir et il faut trouver des solutions. C'est-à-dire, attention, la solution est quand même en chacun d'entre nous. Alors, on doit vous aider. C'est-à-dire, on doit s'engager, nous, à vous aider. Mais tenez bon et on va réouvrir. Eh ben voilà, le mot final de Monsieur Richard Ramos. On vous remercie, Monsieur Richard Ramos, d'avoir consacré quelques minutes pour Radio Arc-en-Ciel en direct sur la FM et puis sur le site internet. Ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Merci, Monsieur Ramos. Merci à vous. Belle journée à vous, en direct à la radio avec Nicky Jam. Au revoir, Monsieur Ramos. Voici du son caliente. Voy a negar. Estamos claros y ya.

Bah, c'est la même. Ça, c'est bon. Ah ouais, Kinvé qui arrive. Kinvé d'ailleurs qui a fait un petit message pour les gens de la nuit. Il les soutient à mort. Voici. Si tu réalises, demande à nouveau Titi. Eh ouais, Titi sera notre invité demain, Tia, dans les studios de la radio à 17h30. Voici Kevin. Bah ouais, quand tu auras un problème, j'accourrai. Si tu te noies, je serai ta bouée. Oh bébé, dis-moi ton secret pour m'avoir autant secoué. Car à toi, je suis voué. Je dois la bouée. Est-ce que tu Ce que je ressens depuis des mois. Allez, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne-moi. Le fait que je perde mes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec moi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu Kinvé, est-ce que tu réalises le nouveau hit demain? Il sort là, Tahiti. Ouais, vous allez voir, un gros tube. Hein. Et puis notre invité demain, ne le ratez surtout pas. 17h30, Tiad sera au téléphone avec nous, le chanteur d'Orléans. Bah ouais, il va nous parler de son nouveau projet. Ça va nous faire plaisir de le recevoir. Lucenzo qui arrive avec Daddy Yankee et toute la bande. Et Donomar, voici 25 coups d'euros pour vous faire languir avant peut-être les bonnes vacances d'été. Voici Lucenzo. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. los VIP ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente. En la lucha, siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene como 20? Yo te hablo claro para que estemos más claros. Que el cloro que se quede con los diamantes y el oro, que yo soy el lobo. One life, two worlds. English, Spanish. One night, two girls. English, Spanish. C'est le meilleur des souvenirs, ça. Lucenzo, Big Ali, Don Omar, Daddy Yankee, il y a toute la bande là. RDP International qui arrive à 18h30 et puis à 19h, n'en ratez pas Manu on the Rock, le son rock qui va sonner avec Manu dès 19h, juste après RDP International. En fait, il y a un petit changement d'antenne là, le temps qu'on nettoie un peu nos micros, tout ça. Puis Manu qui arrive à 19h en pleine forme. Marquito du Portugal qui arrive et ça me fait plaisir. On aura au téléphone aussi normalement demain Marquito au Lusitano. Et on vous souhaite une très très bon début de soirée. C'est rien à penser. En plus, il va faire beau toute la semaine. On the Rock, ça arrive à 19h avec Manu. Já são 7 horas, estou atrasado para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. Semana. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente mais sabor. Invejoso não sou. Pertilha só pode ser. Pertilha só pode ser. Pertilha só pode ser. Já chegou a hora. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser. Sem trabalho a demora, nunca se acaba, chegou a hora, já estou cansado. Ailleurs en ciel, heureux de vous retrouver, Francky. Et ouais, jusqu'à 18h30 et demain je serai là 17h-19h. Ne ratez pas Tiad, notre invité. 17h30 dans les studios de la radio, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence. LTP International qui arrive et puis juste après, ça sera Manu à 19h. Et ouais, du son rock, ça va sonner très très rock. Ne ratez pas Manu on the Rock, c'est à 19h, RDP International. La majorité pour Lisboa. A TAP foi adicionando voos desde que foram levantadas.